Unité 5, leçon 1. Document 1, page 86. Radio Capitale, bonjour. Quelques informations sur la circulation aujourd'hui. Les conducteurs de bus et de métro font une grande manifestation qui bloque les rues de la ville. Attention aux embouteillages. Il y a peu de bus qui circulent. Les numéros 118, 115 et 121 qui vont vers le sud-est de la capitale, roulent normalement. Dans les stations de métro, il y a beaucoup de gens qui attendent sur les quais, mais il y a peu de métro. Choisissez un autre moyen de transport. Un bon conseil pour les automobilistes, laissez votre voiture au garage. Les gens qui doivent aller en ville peuvent prendre leur vélo. N'oubliez pas de rouler sur les pistes cyclables qui traversent la ville. Les personnes qui n'ont pas envie de faire du vélo peuvent prendre un taxi. C'est très pratique. Et enfin, les piétons, qui sont nombreux aujourd'hui, vont être contents. Il fait très beau dans la capitale.